Il est comme un an. Crier mon sous-salle pas. Et en réel, des blagues à part. Il était ce qu'il semblait bien. Rarement la bise fait le moine. Quoi qu'il m'aime, son bien trapu. Et la part en